franceinter.fr. Aujourd'hui dans Affaires sensibles, les algues vertes, le danger qui empoisonne la Bretagne. Le phénomène n'est pas nouveau. Chaque été, depuis des décennies, les côtes bretonnes sont victimes de marées vertes. En l'espace de quelques semaines, le même scénario se répète. Des milliers de tonnes d'algues arrivent par rouleaux, par fragments, et s'échouent sur les plages, envahissant parfois même les rivières. Certes, des algues, il y en a toujours eu en Bretagne, dans la Manche et même en mer Méditerranée, mais depuis quelques décennies, leur prolifération inquiète les spécialistes des milieux marins. Toujours plus nombreuses et surtout toujours plus denses, elles constituent, selon les scientifiques, un péril écologique grave pour l'équilibre de la faune et de la flore du littoral. À cela s'ajoute un autre préjudice, celui-là est d'ordre économique. Les élus locaux constatent que ces algues disgracieuses et malodorantes font fuir les touristes. Un manque à gagner qui s'additionne au surcoût considérable lié au déblaiement de ces algues. Pourtant, malgré cet état des lieux alarmant, les années passent et personne, ni dans les préfectures, ni dans les cabinets ministériels, ne veut s'occuper du problème. Ce n'est qu'en 2009 qu'intervient le véritable tournant médiatique et politique de cette affaire. Cette année-là, l'opinion publique découvre à la radio et à la télé que les algues vertes peuvent tuer, oui, tuer, et qu'il existe donc, là, sur les côtes bretonnes, un risque sanitaire majeur. Quelle est donc l'origine de ces algues vertes? Pourquoi a-t-il fallu attendre plusieurs décennies pour que l'État prenne des mesures concrètes? Question auxquelles nous tentons de répondre avec notre invité, le docteur Claude Lenné, spécialiste de la toxicité des polluants aériens au CNRS. Il fut l'un des premiers à mettre en évidence le danger de ces algues pour la santé. Il sera avec nous en duplex dans les studios de France Bleu Armorique à Rennes. Vous entendrez également le reportage de Sophie Hoffmann qui s'est rendue en Bretagne à la rencontre de proches de victimes des algues vertes. Affaires sensibles, une émission de France Inter en partenariat avec l'INA, préparée par Adrien Cara avec le soutien des documentalistes de Radio France. Attaché de production Caroline Debray, coordination Christophe Barrère, lecture Philippe Pierrard, Eric Oswald, programmation musicale Muriel Pérez, réalisation et illustration sonore Fabrice Lègle, à la technique aujourd'hui Patrick Henry. Fabrice Drouel, Affaires sensibles, sur France Inter. Dimanche 9 août 2009, commune de Saint-Michel-en-Grève, département des Côtes-d'Armor. En cette matinée d'été, une légère brise souffle sur cette petite ville de 480 habitants, située dans le nord du littoral breton, entre Brest et Saint-Brieuc. Un peu plus bas, au niveau de la plage, plusieurs centaines de personnes manifestent. Toutes sont là pour répondre à l'appel du maire René Ropars et de plusieurs associations écologistes qui luttent contre la prolifération des algues vertes en Bretagne. Il s'agit d'interpeller les médias donc, d'alerter une nouvelle fois l'opinion publique et pousser l'État à agir, car il est grand temps. Fait rare pour une initiative locale, la presse nationale a fait le déplacement pour recueillir les témoignages de ces personnes qui se battent pour dénoncer le scandale environnemental, économique et maintenant sanitaire lié à ce qu'on appelle ici les marées vertes. Au milieu de cette foule, Yves-Marie Lelay est l'un des premiers à prendre la parole. Lui, le président de l'association Sauvegarde du Trégor, est connu pour son engagement et son franc-parler. Ce jour-là, face aux journalistes, il crie sa colère. Ça fait 40 ans qu'on sait ce qui se passe, et surtout qu'on sait que tout ça va conduire à un désastre pour notre littoral, lance-t-il. Avant d'ajouter, ça fait 40 ans qu'on laisse les choses pourrir. Oui, 40 ans que l'État ne fait rien. Alors, qui va enfin prendre ses responsabilités dans cette affaire? Aux côtés d'Yves-Marie Lelay, se tient une autre figure du mouvement de lutte contre les algues vertes. Cet homme, âgé d'une cinquantaine d'années, est un ancien ingénieur de Gaz de France et l'un des fondateurs du collectif Halte aux marées vertes. André Olivreau, c'est son nom, se bat depuis plus d'une décennie aux côtés des riverains et des victimes des algues. Aujourd'hui, il se montre très inquiet lui aussi, car désormais, dit-il, il y a urgence à agir avant qu'un nouveau drame ne se produise. Quelques mètres d'eux, le maire de Saint-Michel-en-Grève, René Ropars, fait part à la presse de toute son impuissance pour enrayer le phénomène. Chiffre en main, l'élu pointe le coût exubérant que représente le nettoyage de ces marées vertes pour sa commune. On parle ici de plusieurs centaines de milliers d'euros par an. Une somme qui sert à évacuer les 20 000 tonnes d'algues qui s'échouent sur le littoral. Et ce jour-là, sur la plage de Saint-Michel-en-Grève, aux côtés des militants associatifs, des élus des Côtes-d'Armor et des centaines de manifestants, ce sont deux autres personnes qui retiennent l'attention des journalistes. La première, c'est le docteur Pierre Philippe, médecin urgentiste au CHU de Lannion. La seconde, c'est le docteur Claude Lenné, spécialiste de la toxicité des polluants aériens au CNRS. Avec un spécialiste en toxicologie du nom d'André Picot, les trois hommes sont devenus les cautions scientifiques du mouvement de lutte contre les marées vertes. Aujourd'hui à la tribune, ils expliquent avec des mots clairs comment, non contentes de faire fuir les touristes à cause de leur aspect disgracieux et de leur puanteur, les algues polluent l'environnement et tuent la flore marine. Comment également ces végétaux marins constituent un vrai danger pour l'homme lorsqu'ils sèchent et se putréfient. Car à ce moment-là, les algues libèrent un gaz qui peut se révéler mortel, comme le confirme Claude Lenné au micro de France Inter. Les gaz qui sont dégagés, notamment il y en a un, c'est l'hydrogène sulfuré, est un gaz qui est connu depuis très longtemps comme un poison dangereux, très toxique, oui, et qui peut être mortel. Ça n'est pas habituel du tout, même une plage polluée. Mais par contre, si vous vous trouvez dans une zone où il y a des amas d'algues, là, vous avez éventuellement des quantités de gaz qui sont produites en grande quantité. Et si vous crevez, par exemple, une croûte qui se forme à la surface de ces amas d'algues, vous recevez une bouffée de gaz. Et là, c'est très dangereux et ça peut même être mortel. Je crois que le message, il est assez clair au niveau de beaucoup de gens dans les réseaux associatifs, etc. Je pense que les autorités sont au courant puisque j'ai eu l'occasion de leur faire des présentations de tout ça. La priorité du moment, c'est qu'on fasse l'information de la population et une mobilisation pour que les gens ne s'aventurent pas dans les zones dangereuses et qu'on n'attende pas qu'il y ait un drame plus grave encore que celui qu'on vient de voir. Parce que c'était un drame. Ce drame dont parle le docteur Lenné est précisément à l'origine du rassemblement de Saint-Michel-en-Grève. Et il y a de quoi ? Car 10 jours plus tôt, sur cette même plage, à quelques dizaines de mètres à peine des manifestants, un cheval trouvait la mort et son cavalier lui était gravement intoxiqué. Sorti inconscient et évacué en catastrophe par une équipe du SMUR, il est resté une journée en observation à l'hôpital de Lannion. Si cette affaire suscite d'emblée l'émotion et surtout la colère, c'est qu'elle s'ajoute à toute une série de drames similaires qui frappent la région depuis de nombreuses années. Oui, en juillet 2008 déjà, un premier épisode avait défrayé la chronique en Bretagne. À une trentaine de kilomètres de là, sur une plage d'Ilion, elle aussi connue pour ses amas d'algues, deux chiens étaient retrouvés morts au même endroit. L'autopsie avait révélé qu'ils ne présentaient pas de maladie ignorée jusque-là et qu'ils avaient tous les deux succombé à un œdème du poumon, ce qui confirme une intoxication par un gaz irritant. Quelques semaines plus tard, un chercheur du CEVA, le Centre d'études de la vie aquatique, Sylvain Ballu, se rend sur place, à proximité des algues, pour faire des mesures. Et là, coup de théâtre, son compteur électronique, pourtant très performant, se révèle incapable de mesurer le taux exact de la concentration d'hydrogène sulfuré, tellement celle-ci est forte. Aussi grave soit-elle, l'affaire de la mort des deux chiens reste pourtant régionale. Et il faut attendre l'année suivante, avec l'accident du cavalier, pour que les algues vertes s'invitent enfin à la une de la presse nationale. Dans le cas du cheval de Saint-Michel-en-Grève, le cavalier, un jeune vétérinaire du nom de Vincent Petit, s'en sort par miracle. Présent au rassemblement organisé sur la plage, il est conscient d'être passé à deux doigts de la mort. Je me promène à cheval sur la grève de Saint-Michel-en-Grève, quelques minutes. À la fin de mes évolutions, je descends du cheval. Tout d'un coup, je m'enfonce dans une vasière qui était vraiment invisible comme ça en approchant. Donc, je m'enfonce jusqu'au genou d'un coup. Mon cheval qui était à côté de moi, pareil, met les antérieurs dedans. Et ensuite, en quelques instants, il fait un arrêt respiratoire. Et j'ai juste eu le temps de crier un ramasseur d'algues qui était sur son tracteur à quelques dizaines de mètres, de venir nous aider. Et à partir de là, je garantis que c'est un rideau noir et que je n'ai plus aucun souvenir de comment ils s'y sont pris pour me sortir de là, me ranimer, me mettre dans une ambulance. Le coupable, les algues vertes, encore et toujours. Dans l'affaire du cheval, le docteur Pierre Philippe, chef de service aux urgences du CHU de Lannion, fait passer toute une série de tests toxicologiques et une batterie d'analyses aux cavaliers. Les résultats se révèlent négatifs. Le docteur Philippe se tourne alors vers le corps du cheval pour tenter d'obtenir des réponses. Après un chemin de croix administratif, il réussit à le faire autopsier. Et là, les résultats effectués par un laboratoire indépendant sont édifiants. En effet, selon le rapport du vétérinaire, que je cite, les poumons de ce cheval de plus de 700 kilos étaient extrêmement congestionnés par un afflux massif de sang, ce qui rend crédible l'intoxication par un gaz. Autre surprise, le vétérinaire ajoute, l'analyse a permis de retrouver dans les poumons de l'animal des traces à très haute dose d'un composé chimique appelé hydrogène sulfuré. Des algues, un gaz, de l'hydrogène sulfuré. Voilà qui nous renvoie à ce qu'expliquait le docteur Claude Lenné sur la plage lors de la manifestation. Souvenez-vous, lorsqu'elles s'amassent et se putréfient sur les plages, les algues vertes sèchent et libèrent un gaz, de l'hydrogène sulfuré, qui peut se révéler mortel pour l'homme. Ce qui vaut pour le cheval et donc pour son cavalier. Jeudi 20 août 2009, un peu plus d'une semaine après la grande manifestation qui s'était tenue sur sa plage, la petite commune de Saint-Michel-en-Grève se retrouve de nouveau au cœur de l'actualité. Face à l'ampleur que prend le dossier Algues Vertes dans les médias, c'est le Premier ministre en personne, François Fillon, qui écourte ses vacances et se rend dans les Côtes d'Armor. À ses côtés, trois membres de son gouvernement. La secrétaire d'État à l'écologie Chantal Jouanneau, le ministre de l'Agriculture Bruno Le Maire et enfin la ministre de la Santé Roselyne Bachelot. Sous l'œil de caméra, les ministres font quelques passes sur le sable en compagnie des élus locaux. Au loin, le spectacle qui s'offre à eux est à la hauteur du problème. Partout des bandes d'algues et des amas polluent le littoral. De l'autre côté, on aperçoit les tractopelles et des camions qui attendent à marée basse pour venir déblayer et nettoyer le rivage. Une demi-heure plus tard, d'un ton grave, le Premier ministre annonce que l'État va prendre des mesures. Ces pollutions présentent un danger pour la santé. Il y a d'ailleurs eu un accident il y a quelques semaines. Une étude que nous avons commandée ont démontré la toxicité de ces algues vertes dans certaines concentrations. Et donc l'État va prendre toutes ses responsabilités et va prendre à sa charge le nettoyage des plages qui sont les plus touchées, c'est-à-dire de celles sur lesquelles il peut y avoir un risque de santé publique. Deuxièmement, nous avons décidé de mettre en place une mission interministérielle qui, dans les trois mois qui viennent, va bâtir un plan d'action pour lutter contre la prolifération des algues vertes et pour proposer des solutions efficaces de ramassage et de protection de la population. La visite se poursuit dans les salons de l'hôtel de la plage de Saint-Michel-en-Grève. Là, dans une salle de réunion, les responsables politiques rencontrent les responsables d'associations écologistes qui font part de leurs revendications. Non sans mal, elles ont réussi à inviter dans leur délégation un ancien employé de la commune, un ramasseur d'algues, du nom de Maurice Briffaut. Face au Premier ministre, l'homme prend la parole et avec ses propres mots, il raconte son histoire. 10 ans plus tôt, à quelques centaines de mètres de l'endroit où François Fillon a marché en toute insouciance, Maurice Briffaut a failli perdre la vie, sauvé in extremis par une infirmière qui passait par là. Il explique les 4 jours qu'il a passés dans le coma, ses mois d'hospitalisation, les séquelles qu'il porte encore aujourd'hui, tout cela à cause des algues vertes, celles qu'il ramassait avec son tractopelle. Au moment où Maurice Briffaut termine son récit, un silence envahit la salle. Désormais, les pouvoirs publics ne peuvent plus nier l'évidence. Les algues vertes représentent un danger. Mais le vrai coup de théâtre de cette visite ministérielle en Bretagne est à mettre au crédit d'une autre responsabilité politique et d'une autre responsable politique. Face à la presse, la secrétaire d'État à l'écologie, c'est elle, Chantal Jouanneau, révèle pour la première fois le contenu d'un rapport interne de l'INERIS, l'Institut National de l'Environnement Industriel et des Risques. Rapport qu'elle avait personnellement demandé après la mort du cheval sur la plage de Saint-Michel-en-Grève. Et là, face aux caméras, Chantal Jouanneau brise plusieurs décennies d'omerta. Effectivement, les résultats sont très clairs. Les doses sur les algues en décomposition, les doses de gaz, donc cet hydrogène sulfuré, sont le double des doses mortelles. Mais ce qui m'a frappé dans ce dossier, c'est le nombre d'années où on a joué la politique de l'autruche. Dans la presse, les déclarations de la secrétaire d'État à l'écologie font l'effet d'une bombe. Car pour la première fois, un responsable politique de premier plan admet la faute de l'État. Pour les associations écologistes, un premier pas décisif est franchi, mais toutes le savent, le combat n'est pas terminé, car les algues continuent d'affluer sur le littoral breton. Dans les jours qui suivent, en ce début du mois de septembre 2009, chaque matin, aux premières heures du jour, à marée basse, tracteurs, camions et autres déblayeuses continuent de prendre d'assaut la plage de Saint-Michel-en-Grève. À l'image de ce qui se passe un peu partout ailleurs en Bretagne, d'ailleurs, dans un balai de bruit mécanique et de lumière de gyrophares, les véhicules s'affairent pour dégager des heures durant des centaines de kilos d'algues. Dans la presse, la tension autour de l'affaire semble progressivement retomber depuis l'avenue du Premier ministre. C'est alors qu'on apprend qu'un autre drame s'est déroulé quelques semaines plus tôt et celui-là relance la polémique. Par un communiqué de l'agence France Presse, on apprend en effet qu'un homme de 48 ans est mort dans les Côtes d'Armor à la fin du mois de juillet. Son corps a été retrouvé au pied de son camion. Selon les médecins, il aurait fait une crise cardiaque. Particularité de cet accident, la victime, Thierry Morfois, chauffeur de poids lourd, avait transporté ce jour-là dans sa benne 3 chargements de plusieurs tonnes d'algues. Le tout sans aucun détecteur, ni matériel de protection, gants ou masque. Informé par les militants associatifs, le docteur Claude Lenné estime dans West France que ce décès ressemble étrangement au scénario d'intoxication aux algues vertes qu'on a déjà recensé par le passé. Et le médecin ajoute, le fait qu'il ait été retrouvé cyanosé correspond à ce qu'on a précédemment observé sur des personnes intoxiquées par le gaz issu des algues. Le lendemain matin, le quotidien régional, le Télégramme, résume à lui seul la question qui est alors dans tous les esprits. Les algues vertes ont-elles provoqué un premier décès ? Pour les associations de défense du littoral, beaucoup semblent pourtant convaincus que Thierry Morfois est au contraire le dernier nom qui vient s'ajouter à la liste de toutes ces personnes qui seraient mortes à cause des algues depuis des décennies. Des cas sporadiques que personne n'avait voulu prendre en compte. Au même moment, l'autre question qui alimente les débats dans l'opinion et les articles scientifiques est la suivante, elle est naturelle. D'où viennent toutes ces algues qui empoisonnent la Bretagne au point de tuer des gens ? La question est vaste et elle suscitait jusque-là de nombreuses hypothèses. Affaire sensible en Bretagne, pour preuve. Les nombreux chercheurs qui tentent de travailler sur ce problème se heurtent au veto de leur hiérarchie. Tout semble être fait pour que personne ne lève le mystère qui règne autour de la question des algues. Officiellement en tout cas, car en coulisses, et depuis de nombreuses années, on connaît l'engrenage qui conduit ces algues vertes à venir chaque année envahir les plages de Bretagne. Comme en témoigne le docteur Lilian Le Goff, qui pilote la mission biotechnique pour l'association France Nature Environnement. Pour lui, il ne fait aucun doute que la prolifération des algues vertes est liée aux nitrates présents dans l'eau et donc à l'agriculture. On sait depuis très longtemps qu'un excès de nitrates mais aussi de phosphates dans l'environnement favorise l'eutrophisation, c'est-à-dire la prolifération d'algues dans les cours d'eau et sur le littoral. Donc ce phénomène n'est pas nouveau, ce qui est particulier à cette zone, c'est la densité de production de porcs, notamment, donc des porcheries industrielles, tout proche en amont des sites concernés par les algues, et on sait très bien qu'elles génèrent énormément de nitrates dans l'environnement par l'épandage des lisiers, notamment, et ceci est dénoncé depuis longtemps par les associations de préservation de l'environnement. En clair, il faudrait faire un peu moins et beaucoup mieux en termes de production agricole, que ce soit pour les porcs, la volaille, qui sont en général les deux grands responsables des excès de nitrates dans l'environnement, en tout cas chez nous en Bretagne. Ce serait donc l'agriculture intensive pratiquée en Bretagne depuis un demi-siècle qui serait à l'origine de la prolifération et de l'échouage des algues vertes. Dans les colonnes du journal Ouest France, un directeur de recherche de l'IFREMER, l'Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer, un chercheur dont la qualité des travaux et le sérieux n'ont jamais été remis en question, confirme, quelques jours plus tard, que la pollution aux algues vertes serait bien d'origine humaine. Ce scientifique, Jean-Yves Piriou, affirme qu'après avoir consulté plus de 300 études réalisées dans le monde entier sur ce phénomène, la cause de ces marées vertes est à plus de 90% liée au rejet d'azote venant des exploitations agricoles. Voici donc les coupables désignés. Mais la réponse n'est pas aussi simple. L'histoire démontre en effet que c'est en réalité tout un système de production qui est en cause et que les petits exploitants agricoles sont eux aussi des victimes dans cette affaire. So excuse me, mister, but I'm a mister too. And you're giving mister a bad name, mister like you. So I'm taking the mister from out in front of your name, 'cause it's mister like. Grâce aux découvertes de la science, l'agriculture française entre, avec quelques décennies de retard sur l'industrie, dans la voie de la modernisation. Elle y entre au fur et à mesure qu'elle réalise les regroupements, les concentrations et les reconversions indispensables. Car pour l'instant, la plupart des exploitations agricoles françaises ne sont pas en mesure de tirer parti du progrès technique. Elles sont trop petites, trop morcelées ou dirigées par des hommes qui n'ont pas encore compris que l'heure de la spécialisation avait sonné. La solution ? Il faut aider les exploitations françaises à s'agrandir, tout au moins celles qui peuvent réellement espérer jouer un rôle dans la compétition économique. Les lois agricoles de 1960 et 1962 ont prévu un plan de reconversion qui devrait permettre, en principe, à notre pays de disposer dans 20 ans d'une paysannerie jeune, bien formée, installée sur des domaines suffisamment grands. À la fin des années 60, le paysage breton vit une période de profonde mutation. Ici et là, les fermes et leurs exploitations se transforment, ou plutôt se modernisent, comme le disent alors les experts. En l'espace de quelques années, le modèle traditionnel d'élevage des animaux est abandonné. À sa place, un système de type industriel s'impose. C'est le début d'une agriculture dite productiviste. Avec elle, le principe de l'élevage des animaux hors sol se développe. Le hors sol, une méthode de production qui consiste à ne plus nourrir les animaux avec les seuls moyens de la ferme. Désormais, l'agriculteur achète des céréales, en particulier de l'orge, du soja et du blé à d'autres fermes du monde entier pour nourrir ses bêtes. De leur côté, les moyens techniques toujours plus performants permettent aux petits exploitants de multiplier entre 5 et 10 le nombre d'animaux dans leur élevage. Bovins, porcs, mais aussi volailles, la production intensive explose dans la région et la Bretagne finit par concentrer sur son territoire l'essentiel de la production française. Sur place, les ministres de l'agriculture se succèdent et se félicitent d'un tel changement. Démultipliée, surcadencée, dérégulée, réorganisée, cette nouvelle agriculture donne à ses débuts de très bons résultats. Mais très vite, les agriculteurs eux-mêmes s'inquiètent de ce modèle qui leur fait dépenser énormément d'argent. Au point que certains, pour avoir de quoi nourrir leurs bêtes et acheter leurs engrais sans dette auprès des banques. L'autre critique vient des coopératives. Face à ces grandes multinationales de l'agroalimentaire qui dirigent et imposent des normes de production aux exploitants, effectivement, il est bien difficile de résister. C'est le pot de terre contre le pot de fer. Au-delà de ces deux facteurs, chez les agriculteurs, il y a aussi le constat que cette manière de produire est contraire à l'équilibre de la nature. Parmi ceux-là s'inscrit André Pochon, un exploitant bien connu en Bretagne. Lui aussi a fini par passer à cette agriculture moderne. Mais dès le milieu des années 70, il tire la sonnette d'alarme sur une pratique qu'il qualifie d'ubuesque, qui ne sert ni les intérêts de l'agriculteur, ni ceux de l'environnement. C'est du perdant-perdant. Interrogé par les journalistes, André Pochon alerte sur les dérives de ce système et affirme qu'un autre mode de production est possible. Alors en fait, on s'appuie sur des données qu'on n'aurait jamais dû oublier, hein, essentielles à l'agriculture. À savoir, la première idée que nous retenons, c'est l'équilibre à l'intérieur de l'exploitation. Équilibre en particulier entre les productions animales et les productions comme les céréales. Ça, c'est la première idée. Équilibre aussi dans les assolements. Non plus faire blé sur blé ou maïs sur maïs, mais faire se succéder des prairies, comme vous voyez là, des prairies, des betteraves ou du maïs, des céréales derrière. Voilà un bon assolement. Moi, je critique beaucoup, je caricature en disant le système productiviste, c'est béton, maïs, soja, lisier. Voilà un peu la caricature. Et nous, au contraire, on veut revenir à des assolements équilibrés, on veut revenir aussi à des bâtiments sur paille. Et qui donne donc du fumier et non pas du lisier. Entre nous, on considère que le lisier, c'est la plus grosse erreur technique qu'on ait fait depuis 15 ans. Très bien, mais quel est le rapport entre cette production agricole débridée et le scandale des marées vertes? Eh bien, il est là, sous vos yeux. Comme l'explique André Pochon dans l'archive que vous venez d'entendre, les très grandes quantités de lisier, ces déjections d'animaux issus de cette agriculture intensive et hors sol, sont extrêmement riches en nitrates. En épandant les lisiers sur leurs champs, les agriculteurs pensent avoir trouvé un bon moyen de s'en débarrasser tout en fertilisant leur sol. Mais avec les pluies, ces mêmes nitrates présents dans les lisiers pénètrent dans les eaux souterraines et terminent leur course en mer. Et c'est là que ces nitrates deviennent l'ingrédient essentiel qui permet aux algues vertes de se développer et de proliférer. Ces mêmes algues qu'on retrouve par centaines de kilos sur les plages. Conséquence directe de ce bouleversement de l'agriculture, apparaissent les premiers cas d'algues vertes sur les plages de Côte d'Armor. À Saint-Michel-en-Grève, c'est en 1971 que les riverains les signalent et se plaignent pour la première fois de ce dépôt malodorant. Ils écrivent alors à leur mairie, puis à la préfecture. Et voici la réponse que leur adresse le cabinet du préfet. Suite à votre lettre, j'ai l'honneur de vous faire connaître que j'ai fait procéder à une enquête par mes services. Les algues qui se déposent actuellement dans la baie de Saint-Michel-en-Grève et celle de Saint-Brieuc relève d'un phénomène normal. Ces algues sont des ulves et poussent particulièrement au printemps. Elles se reproduisent par spores et il n'existe actuellement aucun moyen d'arrêter leur prolifération. La seule solution est de les ramasser. Je vous précise que ces algues sont très appréciées pour l'amendement des sols par les maraîchers. Je pense donc qu'il serait souhaitable de demander aux cultivateurs de votre commune de vous aider à les évacuer. Autrement dit, circuler, il n'y a rien à voir. Sauf qu'après Saint-Michel-en-Grève, les plages de Plestin, celles d'Illion et d'autres connaissent à leur tour l'invasion. Au même moment, des chercheurs de la faculté de Brest mettent en doute les affirmations du préfet. Pour eux, ce phénomène de prolifération des algues est anormal. Et les scientifiques pointent du doigt les rejets en nitrate, mais aussi en phosphate des produits issus de l'agriculture intensive et responsable, selon eux, d'un phénomène d'eutrophisation des baies. Pourtant, pendant de très nombreuses années, le lien de cause et effet entre production agricole, excès de nitrate, pollution de l'eau et marée verte reste mal compris. Ceux qui savent parmi l'administration se taisent. Et les populations de Bretagne vont jusqu'à croire que c'est le rejet de leurs lessives ou de leurs eaux usées qui est le problème, un comble. Le seul élément qui ne peut pas être remis en question, c'est que le taux de nitrate dans l'eau explose par endroits, plus de 50 mg par litre. C'est 5 fois plus que la norme limite à l'époque. Sur place, Serge Lebozec, 32 ans, chercheur spécialiste des algues, fait la tournée des endroits en Bretagne, victime de la marée verte. Il constate, année après année, que le problème s'aggrave. Une à deux fois par semaine, il va là où les baigneurs n'osent plus s'aventurer, là où même les chiens refusent de poser leurs pattes, là où la mer a déposé des centaines de tonnes d'algues dont on ne sait plus quoi faire. L'accumulation ici fait près de 20 cm. Et ce sont des accumulations qu'on peut parfois trouver en haute plage. Il y a plus là-bas, non? Ah, au pied de la falaise, là-bas, il doit y avoir au moins 50 cm. C'est du vert partout. Donc de la salade, hein, l'algue qu'on appelle ulve, et plus communément salade de mer. Il y a vraiment 30 cm d'algues échouées ici, en haute plage. En 1985, 24 ans avant l'accident du cheval de Saint-Michel-en-Grève, alors que de grandes incertitudes demeurent sur cette question des algues, André Olivreau, le fondateur du collectif Halte aux Marées Vertes, découvre par hasard leur toxicité cachée. En faisant analyser le gaz qu'elles produisent lors de leur décomposition, il confirme qu'il existe une forte concentration d'hydrogène sulfuré, mais également un autre gaz tout aussi toxique, du mercaptan, capté par la mer. Ça ne s'invente pas. Pourtant, malgré les alertes continues et répétées des associations, les pouvoirs publics restent muets, comme s'il ne fallait pas en parler, tabou. À la fin des années 90, une première étude de l'INERIS, jamais dévoilée, explique que les algues pourraient être responsables de la mort de plusieurs personnes. Au même moment, le docteur Pierre-Philippe du CHU de Lannion alerte par courrier les services de la DAS après l'intoxication aiguë d'un ouvrier de ramassage d'algues sur une plage. Le médecin explique qu'il a déjà été confronté à plusieurs cas suspects et il alerte sur un possible risque de santé publique. Malgré cela, toujours rien, l'État botte en touche. En 2002, faute de réponse, les associations attaquent la justice, en justice les pouvoirs publics pour non-respect des directives européennes sur l'eau. Un combat qui va durer 7 ans avant que la France ne soit enfin condamnée. Entre-temps, le 1er octobre 2007, le préfet des Côtes-d'Armor envoie une lettre aux maires qui en dit long sur la situation. Il leur demande de prendre des mesures de précaution pour limiter l'exposition des personnes à l'hydrogène sulfuré et particulièrement les travailleurs. À l'été 2009 intervient le dramatique et médiatique épisode de Saint-Michel-en-Grève que nous avons raconté en début de récit, tournant décisif dans la prise de conscience politique du problème. En 2011, nouvelle alerte, 36 sangliers sont retrouvés morts sur la plage d'Ilion. Dans les mois qui suivent, l'État met en place un plan algues vertes. Critiqué par certains, remis en question par d'autres, il montre tout de même toute l'ampleur du problème, mais il ne résout pas pour autant le problème. Et le danger est toujours présent sur les côtes de Bretagne. We'll be right back. France Inter, Affaires sensibles, Fabrice Drouel. Aujourd'hui, les algues vertes. Notre invité en duplex de Rennes, dans les studios de France Bleu Armorique, que nous remercions au passage pour leur accueil, Claude Lenné. Bonjour Claude Lenné. Bonjour. Spécialiste de la toxicité des polluants aériens, vous êtes au CNRS et vous avez été l'un, comme on l'a dit dans le récit, l'un des premiers à mettre en évidence le danger de ces algues pour la santé. Alors on a tenté de l'expliquer évidemment, ces algues vertes, lorsqu'elles sont en décomposition, sont dangereuses pour la santé, mais puisque vous êtes un spécialiste, je vais vous demander de nous en dire davantage, nous donner si possible un ordre d'idée de cette toxicité de ce gaz, l'hydrogène sulfuré qui s'en dégage. Ah ben, c'est un gaz qui est connu pour être extrêmement dangereux. C'est un toxique redoutable. Pour avoir une idée, c'est un toxique qui est plus dangereux que l'acide cyanhydrique. Et l'acide cyanhydrique, c'était la base du gaz qui était utilisé dans les chambres à gaz. Le zyklon B. Et donc, voilà, ça se situe tout de suite. Je suis un peu obligé de dire ça parce qu'on a tendance... un peu trop souvent, pour l'instant, à minimiser un peu le danger de ce gaz, qui est connu des spécialistes pour étant vraiment très redoutable. Et donc, il faut vraiment qu'il y ait une prise de conscience qu'on ne plaisante pas avec ce gaz, sinon ça se finit mal. Voilà. Ah, quand il dit ça se finit mal, ça peut se finir jusqu'au drame absolu, c'est-à-dire la mort d'un homme. Et on en a des exemples, malheureusement. On en a des exemples. Si ça va pas jusqu'à la mort, le pire n'est pas sûr, y compris dans ce dossier-là. Quel trouble exact on peut ressentir. Bien sûr, vous avez, ça ne commence pas par ça normalement. C'est-à-dire que les premiers effets qu'on connaît sur la santé de ce gaz, c'est en fait faciliter la survenue de crises d'asthme chez des gens qui ont déjà une pathologie asthmatique. Mm-hmm. Et ça survient à des doses qui sont 500 fois plus faibles que celle qui va vous tuer quasiment sur le champ d'un coup, quoi, foudroyer sur place. Donc, entre ce niveau de base des effets nocifs, les premiers qu'on observe avec 2 ppm, eh bien, vous avez une gradation qui se fait avec des effets qui se développent en fonction de la concentration du gaz et qui portent sur aussi bien, il ne faut pas l'oublier, l'appareil oculaire, hein, parce que l'œil est irrité aussi, et puis les voies respiratoires. Alors, quand on arrive sur des quantités qui sont suffisantes, le gaz arrive jusqu'au fond de l'appareil des voies respiratoires, et là, il détruit la paroi de la voie respiratoire, et on enclenche un processus qui est connu comme étant celui de l'édème du poumon. Voilà. Et pour les yeux ? Alors pour les yeux, vous avez au début, c'est simplement vous avez les yeux rouges, hein, vous avez la sensation d'avoir un grain de sable dans l'œil. Ouais. Et puis si jamais vous continuez à être exposé, ce qui est arrivé à une personne, un ramasseur d'algues, eh bien l'irritation s'étend et elle gagne à partir de la conjonctive et la cornée. Et là, vous avez la sensation d'avoir un voile devant les yeux, un flou. Mmh. Évidemment, vous supportez plus la lumière. Et puis, c'est déjà des pathologies graves parce que vous pouvez avoir un effet de cicatrisation, des lésions qui se développent et une cicatrisation après qui laisse des lésions irréversibles. Alors, on va écouter Claude Lenné ensemble le témoignage d'un ancien ramasseur d'algues. Vous allez voir, c'est très court, mais ça dit beaucoup de choses. Il s'appelle Gérard Jégou. Le soir de mon premier jour de travail, je suis rentré chez moi et j'ai vu de la fumée dans la cuisine. J'ai demandé à ma femme si elle avait mis quelque chose dans le four. Elle a cru que je plaisantais. Dans les jours qui ont suivi, dès qu'il y avait du soleil, j'avais mal aux yeux. Il m'est arrivé d'avoir des écrans noirs et de ne plus rien voir. À l'hôpital, on m'a dit « Monsieur, quand on fait de la soudure, il faut mettre un masque pour protéger vos yeux. » Je leur ai répondu que mon métier à moi, ce n'était pas de souder. C'était juste de ramasser des algues. Voilà, donc ça corrobore exactement ce que vous disiez, Claude Lenné. Ce qui est intéressant, c'est surtout ce qu'on lui a répondu. Vous avez entendu ? Oui. Malheureusement, c'est une réponse qui est assez assez mauvaise de la part des spécialistes ophtalmos, mais en même temps, les ophtalmos ne peuvent pas connaître ce type de pathologie. Donc, c'est pour ça d'ailleurs qu'à l'époque, moi, j'avais proposé que on mette en route une politique d'information systématique des professionnels de santé par rapport à des risques qui sont liés à l'hydrogène sulfuré, qui ne sont pas connus des non spécialistes. Donc, il devrait y avoir un acte volontaire de dire, ben voilà, vous allez être confronté à ce genre de pathologie parce que vous êtes dans une région de bord de mer où il y a des algues ou dans une région d'élevage où il y a des problèmes avec des fosses à lisier. Donc vous avez besoin de connaître ça et donc on devrait mettre en route et demander à ce que les professionnels soient avertis. Voilà. Effectivement. Dernière question médicale, si je puis dire, concernant la peau, si on touche ces algues, peut y avoir des dégâts dermatologiques? Alors oui, c'est-à-dire que on l'a vu dans diverses circonstances, mais par exemple les jeunes enfants, quand il y avait des tas qui étaient faits sur les plages d'algues, les jeunes enfants, ils trouvaient amusant, et ça devait l'être certainement, mais ils couraient et puis pof, ils sautaient au milieu du tas d'algues et ça faisait splash, sauf qu'au bout de quelques passages, ils avaient les jambes toutes rouges, voilà. Ouais, irritation. Et irritation simple, là, c'est pas trop méchant, mais j'ai vu un autre témoignage, quelqu'un qui est venu à une de mes conférences et qui a raconté que, enfin qui a montré les documents qui prouvaient qu'il avait eu une brûlure du deuxième degré aux membres supérieurs, enfin aux avant-bras. Il avait perdu son matériel de pêche dans des rouleaux avec des algues. Donc là, on n'est plus en dehors de la mer, on était carrément dans la mer. Et pendant une vingtaine de minutes, il a recherché une partie de son matériel au milieu des algues qui roulent au bord de l'eau. Voilà. Et il est ressorti de là avec des brûlures. Et le diagnostic qui a été fait, c'était brûlure deuxième degré. Voilà, et ça ne peut être que des brûlures chimiques. C'est-à-dire que les algues, là, il faut voir qu'il y en a quand même une partie quand elles sont dans le rouleau d'eau. Il faut jamais aller se baigner là-dedans. Il y en a une partie qui sont déjà mortes et qui donc commencent une décomposition. Alors, c'est pas un problème d'évacuation de gaz inhalé. C'est un problème que la matière... Bon, d'abord, c'est plein de bactéries, puisque quand la matière se décompose, il y a des bactéries pour le faire. Et puis, deuxièmement, que les produits de décomposition de la matière organique donnent des solutions qui sont probablement acides. Et c'est ce qui explique qu'il a pu, en trempant 20 minutes dans cette eau de mer, mais avec des algues, avoir une brûlure de deuxième degré. Alors, c'est difficile de s'y retrouver. Je vais vous poser une question très, très terre-à-terre. On va sur une plage en Bretagne, il y a des algues inoffensives. Il y en a qui sont pas inoffensives. Comment on fait pour reconnaître ? Alors ben, les algues vertes sont faciles à voir, hein, c'est très très très bien connu. Alors après vous avez d'autres catégories d'algues, des algues brunes, etc., qui posent pas du tout les mêmes problèmes. Les algues vertes sont particulières. On les appelle de la salade. Ça fait effectivement des feuilles comme la salade et elles s'empilent les unes sur les autres quand elles se déposent sur la plage. Donc au bout d'un moment, ça fait un tas, ça s'empile et la partie supérieure se met à sécher. Quand elle se met à sécher, ça fait une croûte et cette croûte devient imperméable à l'air. Donc en dessous, vous avez un processus de décomposition qui s'enclenche et qui se fait en l'absence d'oxygène. Donc ça aboutit à la production de méthane, le gaz de ville, hein, de méthane, de dioxyde de carbone et puis de composés, bien sûr, il y a des composés azotés et puis des composés soufrés, dont en particulier celui qui nous préoccupe là, parce que c'est celui qui est leader des composés azotés, l'H2S, et puis qui en même temps est le gaz qui est le plus dangereux de tous ceux qui pouvaient être émis et qui donc est lui, et celui qui, c'est ce que j'ai compris au bout d'un moment quand j'ai commencé à étudier ce problème, c'est celui qui est à l'origine des accidents. Voilà. Alors, les algues vertes, aujourd'hui, où en sommes-nous exactement? Quand je dis aujourd'hui, c'est vraiment aujourd'hui, hein, ou au pire c'est hier ou avant-hier. Eh bien, nous allons savoir avec vous, Sophie Hoffmann, bonjour. Bonjour Fabrice. Vous êtes reporter pour Affaires Sensibles. Vous avez donc sillonné une partie des Côtes d'Armor la semaine dernière, d'Illion jusqu'à Guingamp, en passant par Pleubian. Et j'étais accompagnée par André Olivreau, habitant des Côtes d'Armor et fondateur du collectif Halte aux Marées Vertes. Alors Claude Denet, on écoute ce reportage ensemble, on en discute juste après. Nous sommes en route pour la commune d'Illion, là où André a installé son cabanon au-dessus de la plage de la Grand-Ville. C'est là où ce breton de cœur a constaté, il y a 40 ans, le développement des premières algues vertes. Visite guidée. Vous voyez là, le Gouessant, c'est ça. L'estuaire, l'entrée de l'estuaire, la chapelle Saint-Maurice, la plage, l'île de Bréa là-bas. Et comment vous imaginez cette plage justement dans 10 ans ? Eh bien, c'est le but de mon combat. C'est possible que cette plage soit refréquentable à condition qu'effectivement des efforts importants soient faits pour la reconversion de l'agriculture, les algues vertes pourraient disparaître assez rapidement. André Olivreau, on est là juste à l'entrée de la plage de la Grand-Ville et on voit différents panneaux. Qu'est-ce que ça dit exactement ? Alors, il dit « La pratique de toute activité de bord de mer, baignade, pêche à pied, promenade à pied est interdite sur les plages de Carieux et de la Grand-Ville ». Ça veut dire qu'en fait, la plage là est interdite aujourd'hui. Alors, on a un grand panneau « Baignade interdite, filière dangereuse, barrage ». Qu'est-ce que ça veut dire ça ? Ben, le barrage n'existe plus. Il faudrait qu'il y ait juste à l'entrée de la plage, mais sur tout le long du chemin du littoral, des explications que lorsqu'il reste des algues vertes autour des rochers, il y a des lieux propices de putréfaction et donc de danger vaseux et toxiques et il ne faut pas s'y aventurer. Comment est-ce qu'une algue d'apparence inoffensive peut devenir aussi toxique ? C'est la question que nous allons poser à Sylvain Balu. Il est responsable du suivi du phénomène algue verte sur le littoral Manche-Atlantique au CEVA, le centre de valorisation des algues situé à Pleubian. Il nous explique les caractéristiques des algues vertes. Les algues vertes elles-mêmes ne posent pas de problème particulier. Elles poussent naturellement sur nos rochers, elles sont même consommables. Mais il ne faut pas pour autant dire que ce sont des bonnes algues, puisque les proliférations dont on parle, c'est vraiment un dérèglement de l'écosystème où on va avoir une surcroissance de ces algues qui normalement n'existent pas dans ces milieux de plages sableuses, parce que ce n'est pas un écosystème sur lequel elles doivent normalement pousser. Quand l'algue est dans l'eau, est-ce qu'elle est dangereuse ? Est-ce que des enfants peuvent jouer avec ? Parce que je pense que petite, j'ai joué avec ce genre d'algues. On a tous, je pense. Mais des algues, quand elles sont fraîches, ne posent pas de problème. Alors peut-être qu'il peut y avoir des allergies, mais le vrai danger, mais ça il est maintenant avéré, c'est bien la putréfaction des algues qui va générer, dans des conditions particulières, des concentrations fortes d'un gaz toxique. L'hydrogène sulfuré, le H2S, qui est un gaz qui sent très fort, qui est également très toxique. La particularité des algues vertes, c'est qu'elles ont tendance à fermer le milieu quand elles pourrissent. C'est-à-dire que quand vous avez un tas d'algues vertes qui va être échoué très haut sur une plage, et qui ne va plus être pris par plusieurs marées consécutives, à ce moment-là, les algues vont mourir, et les algues du dessus vont former une sorte de croûte qui se dessèche et qui va fermer le milieu, qui va à la fois empêcher les gaz de l'extérieur, donc l'oxygène, de rentrer dans le tas, donc on va avoir de l'anaérobie, et en plus de ça, qui va piéger les gaz qui sont les gaz de putréfaction du tas d'algues à l'intérieur. Donc on va fermer le milieu, et en plus de ça, si on vient perturber ce milieu qui a été fermé, on va d'un coup libérer des gaz qui se sont lentement accumulés. À ce moment-là, on va avoir des concentrations qui sont très fortes. Mais il est évident qu'il faut d'abord avoir un message, on va dire, de prévention. Quand on a ce genre de configuration-là, c'est potentiellement dangereux, donc on s'y approche, quoi. Je suis toujours en compagnie d'André Olivreau et on se dirige maintenant vers Guingamp pour rencontrer Claude et Jeanne Morfois, les parents de Thierry Morfois, un transporteur d'algues vertes décédé au volant de son camion le 22 juillet 2009. Vous êtes arrivés. Monsieur et Madame Morfois, votre histoire avec les algues vertes commence un jour tragique de 2009. Que s'est-il passé ce jour-là ? Il est passé chez mon fils, il n'était pas rentré du travail. Donc, on est entré à Guingamp, le téléphone sonne, et on me dit, venez vite à l'envolo. Mais je dis, on vient de passer. Et là, la question, il est arrivé quelque chose à Thierry ? Oui, il est mort. Oui, et on m'a raccroché, je n'ai pas su rien de plus. Alors quand j'ai demandé, mais qu'est-ce qui lui est arrivé ? Il a eu un accident, il a eu une crise cardiaque. C'est tout. C'est tout. C'est ce qu'on vous a dit. C'est tout. Crise cardiaque. Il est mort dans son camion. Or, ces camions-là n'avaient aucun équipement. Aucun. Thierry, effectivement, déchargeait son camion. Il était obligé, lui, de descendre de sa cabine, alors que derrière son dos, il y avait une montagne d'algues vertes. Il était en plein dans les gaz. Finalement, à l'heure de midi, il a téléphoné à sa compagne en disant « J'en ai marre des algues vertes, putain d'algues vertes ». Ben, il était déjà asphyxié. Peu de temps après, il est mort, quoi. Comment vous avez réalisé que c'était les algues vertes qui étaient responsables ? Ah non, on ne savait pas. Non, on ne savait pas au départ. Ah ça, on ne savait pas. On l'a enterré sur mort naturelle. Un mois après, on a été appelé à la mairie de l'Envolon. Et c'est là qu'on nous a dit qu'il faudrait envisager une autopsie. Une autopsie, moi je ne comprenais pas pour une mort naturelle de venir nous demander un mois après une autopsie. Voilà, l'histoire des algues vertes, c'est ça. C'est la pollution, c'est les gaz, c'est la mort. Les algues tuent. Et ça, il faut bien mettre ça dans la tête. Les paroles fortes de, proches de victime. Justement, Claude Lenné, est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur les conditions de la mort de Thierry Morfois? Alors, on voit qu'il y a eu, de la part des pouvoirs publics, un déni de réalité. Ça peut pas être les algues vertes, donc pas de mesure de protection dans le matériel. Puis maintenant, on le sait. Comment est-il mort exactement? L'autopsie a montré qu'il avait un édème aigu du poumon et qu'il avait un infarctus du myocarde. Alors le scénario qu'on peut reconstituer, si vous voulez, il travaille tout cet après-midi et il vient de transporter plusieurs fois des trois bennes remplies d'algues pourrissantes et qui à l'époque restaient beaucoup plus longtemps qu'aujourd'hui sur la plage à pourrir avant qu'on les enlève. Et donc il a été exposé à H2S. Donc il était en bonne santé apparente, on ne lui connaissait pas de pathologie importante, et puis brusquement il fait cet accident, et il fait un accident dont l'autopsie révélera qu'il avait fait un infarctus du myocarde. Mmh. Alors ce qu'il faut bien comprendre, c'est que l'infarctus du myocarde, c'est une complication classique d'une intoxication avec un gaz asphyxiant. On enseigne ça aux étudiants habituellement. Hein. C'est-à-dire que Monsieur Morfois avait, quand on a analysé son cœur, on s'est aperçu qu'il avait déjà fait un petit infarctus auparavant. Donc il avait probablement une diminution de son oxygénation de son cœur. Et quand on respire un gaz asphyxiant, c'est par définition un gaz qui vous prive d'oxygène. Mmh. Donc vous privez d'oxygène quelqu'un qui a une oxygénation limite, et bien vous déclenchez un accident qui en particulier peut être un infarctus du myocarde. Alors la question des responsabilités, alors on va les petits agriculteurs, les petits exploitants, ceux qu'on appelle de l'agriculture raisonnée, ceux qui ont fait aussi le choix courageux du bio en reconversion, portent des fardeaux économiques lourds, on ne va pas leur mettre sur les épaules en plus la responsabilité de cela. Est-ce qu'il s'agit bien de la responsabilité d'une agriculture intensive et productiviste? L'origine du problème, c'est effectivement une industrialisation sauvage, un peu comme on a fait au 19e siècle. On a démultiplié la production avec des méthodes industrielles, et puis on n'a pas traité les effluents derrière avec des méthodes industrielles. Donc, au 19e siècle, on a pollué tous les cours d'eau dans les zones industrielles avec les effluents industriels. Là, c'est exactement ce qui se passe. On pollue les cours d'eau avec une pollution qui est démultiplié par le fait qu'on est passé à de la production industrielle. Et que donc, on a... Voilà. Alors, on a les conséquences, oui. Rapidement, si je voudrais vous poser une autre question, il reste 30 secondes, allez-y. Oui. Ouais, non, mais minimiser dans l'occurrence la responsabilité, il y a quand même... le fait qu'on ait dénié l'importance de cette pollution et que donc qu'on ait essayé de masquer les problèmes que ça pouvait poser et le danger en particulier du gaz, ça a un effet pervers puisque ça aboutit à ce qu'on ne prend pas les précautions qu'on devrait prendre. Normalement, dans une ambiance de travail où il y a des gaz comme le H2S, il y a des précautions draconiennes qui sont prises et c'était pas le cas en l'occurrence. Toutes les réactions, on peut répondre par oui ou par non. Depuis 2011, un plan algues vertes a été mis en place. Est-ce que ça va mieux ou ne serait-ce qu'un peu mieux? Ça va un peu mieux, mais ce n'est pas à la hauteur des enjeux qui sont nécessaires aujourd'hui. Bien sûr. Merci, pardonnez-moi de vous avoir un peu bousculé sur la fin de cet entretien, Claude Lenné. En tout cas, merci. Merci infiniment pour tous vos éclairages. Vous étiez en direct de Rennes. Merci, au revoir. Merci de votre invitation. Au revoir. C'était Affaires Sensibles aujourd'hui, les algues vertes, une émission que vous pouvez réécouter en podcast sur franceinter.fr. Rendez-vous également sur la page Facebook d'Affaires Sensibles. Demain, nous évoquerons l'histoire de Florence Ray. Cher Vincent, je vais vous bousculer vous aussi. Donc assez rapidement, s'il vous plaît, le menu aujourd'hui. L'âme russe, nous allons tenter de sonder l'âme russe avec les compositeurs qui eux-mêmes ont exprimé l'âme russe à travers les voix, à travers les chœurs. Vous auriez pu avec le théâtre le faire avec Tchekhov. Là, ça sera en musique. Au revoir, à tout à l'heure.